comme Gisèle. Gisèle est bien. Gisèle est bien occupée. Les gens, ils l'appellent. D'accord, c'est ça le job. C'est ça, d'accord. C'est une des twins. Et quand vous réalisez que ça vous n'a commencé à 9h du matin, c'est fini à 2h du matin. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand vous l'appelez à 9h du matin, automatiquement, elle tombe sa vibration, puis là, elle finit. Ça passe toute la soirée. Je suis obligé de dire le téléphone, décroche-les, accroche-les, jusqu'à 2h l'après-midi au moins. Pour être terminé, sans ça, tu vas essayer. Puis après ça, elle me dit qu'elle est fatiguée. Là, je suis obligé de lui donner un choc. Il fait comprendre. Mais donc, les téléphones, c'est la fin du monde, c'est le commencement de la fin du monde. Mais entre vous autres, c'est du monde entre vous autres. Il y a des pignons, là, c'est tout entre vous autres. Ces gens-là, il y a. Ces gens-là, quand vous avez des rencontres extérieures, là, ça leur fait plaisir de vous parler parce que vous ne trouvez pas leur vie domestique. Vous pouvez leur parler, ils vont vous jaser. S'ils ne sont pas capables, ils vont vous envoyer un nom. De cette façon. Quand ils sont capables, ils envoient un nom. Il y a des cas. Les cas sont difficiles. Mais au moins, quand vous voyez, l'autre, dit que tous à la maison, pourquoi est-ce que je les amène, vous autres, c'est tout qui le fait, pour vous m'expliquer l'incompétence. Je les amène parce que j'aime ça qu'ils soient ici. Parce que je veux que tout le monde les connaisse. Monsieur Leval, c'est la même chose. Je veux que les gens les connaissent. Au moins, plus tard, ça va vous donner des points de référence dans des cas particuliers qui ne sont pas nécessairement liés à vous autres, mais peut-être d'autres personnes. Habituez-vous à être indépendant d'esprit. Ce n'est pas parce que je dis ça, là, que faut que vous preniez l'attitude de me voir et de gérer la mort. Non. C'est pas ça. Vous autres, même, je ne peux pas vous donner la tenue. Ma vie est toute destinée à la dédorer, la tenue. Je ne peux pas vous la dorer. Il y a des gens parmi vous autres qui sont suffisamment sensibles. Mais l'enfant, ça n'est pas une autre. Elle a des problèmes, elle aussi est en transmutation. C'est une femme qui peut donner des conseils à beaucoup de femmes dans tous les. Il y en a d'autres. Rien que c'est d'asseoir, il y a Croto, il y a lui, il y a elle, il y a Thérèse qui n'est pas belle. Il y a lui qui commence à se sensibiliser à son propre intérieur. Il y en a d'autres qui poussent, mais ça va bien d'accord. Je vous le dis, 17 à 4 ans, vous ne voudrez plus voir personne d'autre. Je ne vais plus parler avec personne d'autre parce qu'il n'y a plus rien à dire. Vous serez fiers à faire la journée. Habituez-vous à vous rencontrer, les gens qui n'ont pas des personnalités qui sont proches, ça ne fait pas. Mais il y en a qui ont des personnalités assez équilibrées pour pouvoir servir un peu d'entre-gens avec d'autres personnes. Vous connaissez mon enfant, c'est un exemple. Si ça prend de vous répondre, ils vont vous le dire. Et elle, ici, commence aussi à

quelqu'un qui sait comment faire ça. Très dur. Même elle, Christiane, elle connaît un peu de ce passé-là. Je l'avais dit, elle connaît. J'ai coupé avec elle, c'est pas comme ça. Oui, là, c'est tout ça. Si vous vous unissez, plus vous êtes. Si vous vous unissez à mon esprit, plus vous êtes sujet à souffrir. C'est automatique. Ça te fait ça, ça des barrières. Comme M. Dessert. M. Dessert, je fais des barrières. Je le vois de temps en temps, etc., etc., etc. Ben, je n'ai pas l'intention que le M. Dessert souffre mon esprit. Il y a eu assez de souffrances. C'est très dur, l'éducation. Vous êtes au début d'un nouvel âge. Vous m'avez dit comment c'est que vous êtes. Vous avez dit, là. Vous êtes comme les enfants qui viennent au monde. Les enfants viennent au monde, ils grandissent, ils savent pas qu'ils grandissent, ils grandissent, ils mangent, ils font caca. À un certain âge, ils réalisent qu'ils sont dans le monde. À 21 ans, là, il va peut-être travailler. Là, ça va mal. Là, ils réalisent qu'ils sont dans le monde. Avancez, ils réalisent là. Mais au niveau de la conscience cosmique, la sixième race, c'est le patagien. Vous êtes exactement dans la même situation. Vous êtes comme des enfants, vous ne vous voyez pas pour un nid au tas. Ce que vous allez vivre dans 20 ans. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Vous allez faire ça. Vous allez utiliser les livres. Vous allez voir en couleur. Vous voyez des choses à la place. Mais ce que vous allez vivre dans ce temps-là, vous n'allez pas tenir. Parce que vous n'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est terrible avant d'être très beau. C'est terrible avant d'être très haut. Sans ça, il n'y aurait pas de raison que tu sois venu sur le plan matériel à telle date. Dans quel temps? Vers la fin. C'est une raison. Il y a des gens qui sont spirituels qui se sont rentrés dans la terre là, comme ça. Comme ça, pour la raison. Oui! Il y a une préparation essentielle qui doit être faite. Parce que, ça va être très je l'ai vu demain. Je vais encore plus loin demain. Il y en a parmi vous autres qui vont sur les plans, qui voient, qui entrent en relation avec des gens qui sont pas intelligents. Quand vous êtes en relation avec ces forces-là, sur des plans qui vous sont encore inconnus aujourd'hui, que toute la Terre, que toute la planète va être soumise à des forces d'invasion extraordinaires de tous les coins de la Terre. Que l'humanité, la petite humanité, va être obligée de concentrer toute son énergie pour empêcher la pénétration de ces forces-là. Que l'homme contrôle sa propre vie. C'est ça que je vous dis, préparez-vous lentement à vous couper de mon esprit, à fonctionner sur votre propre énergie. Vivez-y vos expériences. Je lis tant que vous lisez, ça vous lisez tout ça. Ça vous verra. Vous mettez des cassettes à votre disposition, j'en ai 700 devant moi que je vais faire. Pour vous aider à résoudre et à comprendre tous les aspects de tous les problèmes. C'est quand vous assiettes-là, c'est pour vous autres que je fais, avec les vaisselles, vous en faites ce que vous voulez, mettre au plus. Au moins, je tape, vous allez avoir une librairie en masse sur tout le matériel. Ça va pas être, ça va pas être. Parlez-vous entre vous autres, parlez-vous. Vous allez avoir plus de réponses en parlant que quand vous ne pouvez pas en parler aux autres, parce que l'autre, c'est des belles de cochon. Ah ouais, mais super des autres, là, ouais, des straight answers. Si avec qui vous ne pouvez pas parler, quoi, il y a une. Il n'y a pas une chose que je vous dis qui est pas importante. Maintenez-le. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des problèmes. Parce que vous êtes constitué de telle sorte que vous vous en créez des problèmes. Fait que vos problèmes servent à renverser la terre pour que vous ne créez pas de problèmes. Quand vous créez des problèmes, là, c'est dans du slack. Vous voyez terre en mouille. Les deux vont être là. Parce qu'on a des sentiments. Si on rationalise. On est au bout, les gens. Au bout du bout. On est au bout du bout du bout. Il y a assez de connaissances intuitives dans tous les autres pour tous les autres vos problèmes. Plus vous allez développer de l'intérêt personnel. Pour ceux qui sont sur votre longueur d'onde, plus vous allez avoir des cœurs. Et videz les bords. Et s'ils se font vider, c'est leur problème, jusqu'à temps qu'ils se réveillent. Les deux, la femme, n'a pas se fait vider quand on est spirituel. On pense que la vie, si on comprend, c'est impossible. C'est bien, c'est bien, c'est bon. Quand vous avez du 300 ans, c'est comme ça. Vous comprenez. Là, finalement, vous mettez à acheter ça. Il y en a un autre qui prend le lait. Il y a toujours un voisin. Bon. Il y aura toujours des cons. C'est ça. Quand il y a un con, ça rentre à cette caméra. C'est vous, c'est vous, c'est. Apprenez à vivre selon vos vibrations et à ne pas rationaliser vos actions. Ça, c'est très important. Parce que quand vous rationalisez vos actions, vous créez un égrégore, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Éventuellement, vous êtes prêt à en sortir cet égrégore-là. Rationalisez pas. Rationalisez pas. Mettez-vous sa loi d'action. Tout le temps, sa loi d'action. Sa loi d'action. Sa loi d'action. Sa loi d'action. Ça fonctionne tout le temps, la loi. Ça peut créer des chars. Et ça fonctionne tout le temps. Vous regardez en arrière, vous êtes tout content de ce que vous avez fait. Et si vous rationalisez, vous allez vous créer des égrégores, ça va vous tenir, une poignée. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est fort. Il